6-9 du week-end sur France Inter. On va prendre des nouvelles de la science, comme on le fait chaque week-end avec vous. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. On va commencer par le fait de manger bio. Eh bien, il paraît que ça diminuerait le risque d'obésité et de surpoids. Et ce sont des Français qui ont fait cette découverte. Je vais vous parler, Eric, de résultats scientifiques inédits. Une étude publiée par une équipe de recherche française, donc, a été publiée il y a quelques semaines à propos de la nourriture bio. Denis Léron, chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, est un des auteurs de l'étude. L'exposition à différents types de pesticides est associée à une augmentation d'un certain nombre de pathologies, au point que, par exemple, chez les agriculteurs, qui bien sûr sont les premiers exposés puisqu'ils les utilisent, la maladie de Parkinson et puis plus récemment les lymphomes non-Hodgkin ont été inscrits sur la liste des maladies professionnelles des agriculteurs. Chez les enfants, on a de plus en plus d'études scientifiques qui ont montré qu'il y a un lien très très fort entre l'exposition à ces pesticides et l'autisme. On sait par exemple qu'en gros, la moitié des aliments d'origine végétale, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales, sont contaminés par des résidus de pesticides. Mais alors Fabienne, comment les scientifiques ont pu étudier l'impact de la nourriture bio sur la santé ? Ils ont travaillé à partir des questionnaires remplis par les dizaines de milliers de personnes de la cohorte Nutrinet Santé qui a été constituée en 2009 par entre autres l'INSERM et l'INRA. Deux études ont été menées, une première en 2013 et une seconde qui vient d'être publiée donc. Donc on travaille régulièrement sur des échantillons de dizaines de milliers de personnes. On peut de façon très très fine et très efficace comparer les consommateurs réguliers de produits bio. En gros, ce sont des gens dont environ 70% des aliments consommés sont d'origine agriculture biologique certifiée. Et on peut les comparer aux autres consommateurs qui, eux, ne mangent en gros quasiment jamais de produits bio. Donc dans la première étude publiée en 2013, sur 54 000 personnes, hommes et femmes, on a montré que séparément, chez les hommes et chez les femmes, le fait de manger régulièrement des aliments bio réduisait le surpoids, mais aussi l'obésité, d'environ 50%. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Pour le moment, on n'a pas tous les éléments de réponse, bien sûr, parce qu'il faut d'abord arriver à faire des observations, et nous sommes les premiers à faire ce type d'observation au niveau mondial. Il y a des études scientifiques qui ont été publiés, en particulier par des groupes américains, qui montrent que les gens qui sont le plus exposés à des pesticides ont plus de risques de devenir obèses, ont plus de risques de faire un diabète de type 2. Il y a aussi des données sur des cellules de tissu adipeux en culture ou sur des animaux qui montrent que, effectivement, certains pesticides, en particulier ceux qui sont des perturbateurs endocriniens, peuvent favoriser le développement de l'obésité, soit au niveau des cellules du tissu adipeux, soit au niveau de l'organisme entier, comme sur un rat ou une souris de laboratoire. Vous avez entendu, Eric, tout à l'heure, Denis Léron disait que la moitié des aliments d'origine végétale en France contiennent des résidus de pesticides auxquels les consommateurs sont exposés tous les jours, à des faibles doses certes, mais à chaque repas. Un consommateur de produits non bio peut ingérer à travers la nourriture une vingtaine de molécules différentes par jour qui peuvent être à l'origine, dans un premier temps, d'un syndrome métabolique. Alors le syndrome métabolique, c'est une étape clé entre l'obésité et l'apparition du diabète de type 2 et les risques cardiovasculaires. C'est un facteur majeur de risque cardiovasculaire parce que ça associe l'obésité, l'hypertension. Ce que nous avons montré sur 60 000 personnes, c'est que là aussi, les consommateurs réguliers de produits bio, environ 70% de leur alimentation, comparé aux autres, ont un risque diminué de 31% d'avoir un syndrome métabolique. Donc là, ça se confirme sur les conséquences après de l'obésité, et donc ça traduit une diminution très forte du risque cardiovasculaire. Voilà, et l'équipe à laquelle appartient Denis Léron poursuit ses travaux, et notamment sur la relation entre les pesticides et les cancers. C'était donc les Saventuriers, et c'est aussi sur franceinter.fr.